d'une feuille blanche. On écrit sur le parfum de la fumée blanche. Je viens te hanter comme le fantôme de la dame blanche. Ma zone, une maison hantée, là où que les gens ressemblent à bulle bizarre. Ma vie dans le bizarre, je suis tombé dans comme hasard. Je vais toujours droit, j'ai qu'un seul but, comme Eden Hazard. Les bonnes personnes se font rares, mon gars. On évite les dégâts. On vient du ciel pour vous mettre des choumettes à la mental combat. Ma vie dans la lumière, ma mère ma seule forme, mes potes ma seule force. On m'envoie à l'échec, des jours vers les portes. Et mon demi assiette, frérot, mais je mange comme un porc. J'ai tout pris, même les restes. Je viens faire un remue-ménage. Ta vision de la vie, je viens la retourner. Ton destin, je viens le bafouer. Je viens mettre des babes si tu me suis à la trace. Malfaiteur dans l'âme, je me range du côté des braves. Si je m'embrouille, c'est avec les armes. Les yeux de ma mère, mon plus beau regard. Tout ce que tu dis, rien ne sera coupé au montage. Y'a pas de bobard, je squatte avec des malabars qui te déchirent ton sac. Malfaiteur, je le vois en miroir. Dans cette vie, j'aimerais qu'on m'explique ce problème d'identité au physique. Ben vas-y, cogite. On s'assoit devant une bouteille de whisky et sur un petit stick, on médite sur notre sort dans ce triste décor. Là où qu'on a le cœur qui souffre, là où qu'à des jeunes de 16 ans ont le nez dans la chelouffe. Malfaiteur dans l'âme, on vit dans la rue, dans l'horreur. Seul l'arbre reconnaît comme odeur. On débarque comme Tony Parker au quartier des Spurs. Je me présente, je m'appelle Killer. Je viens glisser dans lui, pop le drapeau de mon art, connard. Je viens te lâcher ma rage, évacuer mes démons qui me suivent à la trace depuis je suis mauve. On m'accuse des fois, je suis pas coupable. Malfaiteur dans l'âme, je me range du côté des braves. Si je m'embrouille, c'est avec les armes. Les yeux de ma mère, mon plus beau regard. Tout ce que tu dis, rien ne sera coupé au montage. Y'a pas de bobard, je squatte avec des malabars qui te déchirent ton sac. Malfaiteur, je le vois en miroir. Je suis l'homme cagoulé à deux visages. Sur ma carte d'identité, j'ai l'air d'un adolescent en passage. J'ai pas que l'air, j'ai les paroles qui vont avec. Touche à la veille, y'aura de la tempête sur ta tête, mais tant pis. Avec mon big, je viens limer les jaloux comme c'est pas permis. Moi et mes potes, on roule en merco et on a même pas le permis. J'ai pas beaucoup de billets, car il m'en faut peu pour briller. Mais pour l'État, ils nous condamnent, ils nous collent une étiquette noire. Pour le taf et bon emploi, on a la tête du premier coupable. Ils croient que je suis un mec incapable. Je viens te chanter sur un instrumental. La preuve que dans ma tête, c'est le bordel pire qu'au Vietnam. Au Vietnam. Malfaiteur dans l'âme, je me range du côté des braves. Si je m'embrouille, c'est avec les armes. Les yeux de ma mère, mon plus beau regard. Tout ce que tu dis, rien ne sera coupé au montage. Y'a pas de bobard, je squatte avec des malabars qui te déchirent ton sac. Malfaiteur, je le vois en miroir.